L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On peut parfois l'oublier, mais pour qu'une étoile à neutrons devienne effectivement une étoile faite presque exclusivement de neutrons, il faut que presque tous ses protons se transforment en neutrons par la réaction nucléaire inverse de la radioactivité bêta, la capture électronique. Et quand un proton absorbe un électron pour se transformer en neutron, un neutrino est émis. En d'autres termes, lors de la formation d'une étoile à neutrons, le nombre de neutrinos émis est gigantesque, de l'ordre du nombre de protons contenus dans l'étoile. Mais cette formation d'une étoile à neutrons est tout sauf quelque chose de calme. Avant de ne plus posséder que des neutrons, les étoiles éponymes passent par un stade où elles sont formées de noyaux d'atomes très singuliers, très très riches en neutrons et très instables. La radioactivité d'une étoile à neutrons, en train de le devenir, est assez inimaginable. En d'autres termes, il se passe quantité de réactions nucléaires à la surface de l'étoile à neutrons. Des réactions qui sont en partie dues aux interactions avec la matière, souvent en accrétion autour de l'étoile en effondrement gravitationnel. Ces réactions violentes donnent le plus souvent lieu à d'intenses bouffées de rayons X. On parle alors de bursts et de superbursts. Les superbursts sont 1000 fois plus intenses que les précédents. Jusqu'à présent, on pensait que l'énergie importante qui était émise dans ces superbursts était produite par la radioactivité bêta, très dominante dans les réactions à la surface des étoiles à neutrons. Des physiciens américains de Los Alamos ont complètement modélisé les phénomènes de radioactivité bêta qui peuvent apparaître dans les noyaux d'atomes très exotiques et très très riches en neutrons. Les résultats que Schatz et ses collègues obtiennent remettent en cause le modèle généralement admis. Les antineutrinos qui sont émis en même temps que l'électron dans la décroissance bêta emportent une quantité d'énergie bien trop importante, ne laissant à l'électron qu'une portion congrue de l'énergie d'excitation du noyau. Ces derniers ne peuvent alors pas, à eux seuls, être à l'origine de l'énergie observée dans les superbursts. Ce phénomène dans lequel les antineutrinos extraient une importante quantité d'énergie hors de l'étoile est appelé le neutrino cooling, le refroidissement par neutrinos. Il doit donc exister un autre phénomène physique à l'origine des superbursts de rayons X des étoiles à neutrons, mais qui est encore complètement inconnu. Pour mieux comprendre ce qui peut bien se passer, les physiciens américains proposent de reproduire en laboratoire la surface de la croûte d'une étoile à neutrons, à plus petite échelle bien sûr. Ils veulent produire expérimentalement des noyaux d'atomes très déformés et très riches en neutrons. Le grand instrument proposé pour être installé à la Michigan State University s'appelle FRIB, pour Facility for Rare Isotope Beams. Les physiciens optimistes estime que FRIB pourrait être mise en service dans les années 2020. De quoi laisser un peu de temps aux théoriciens de tout poil spécialisés en astrophysique nucléaire pour trouver une solution élégante pour l'origine de ces superbursts. Un article et une étude qu'on peut retrouver dans Nature du 1er décembre 2013 intitulé « Strong neutrino cooling by cycles of electron capture and beta decay in neutron star crusts » Schatz et al.